Et salut la radio, il est 11h, on est vendredi dans la maison communale de Plainpalais, c'est le festival Archipel, la vie est belle, on est très content et contente et on vous a préparé un petit jingle de qualité. Est-ce une radio? Est-ce un fanzine? Est-ce un idiot? Est-ce une usine? Est-ce un camion? Est-ce un bateau? Bonjour Emma. Bonjour Antoine. Bonjour Marie. Bonjour Lise. Salut Mathéo. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va la maison? Grosse ambiance ici dans le hall de la maison communale de Plainpalais et c'est parti, on respire. Trois respirations. Ça fait un bien fou. Merci beaucoup d'avoir respiré avec nous, très chers auditeuristes, très chère Marie, merci. Antoine, météo du jour intérieur, comment te sens-tu? La météo du jour, il fait moche aujourd'hui à l'extérieur, mais il fait très soleil dans mon cœur. Et toi, Emma? Écoute, j'aurais pas trouvé mieux, tu as exactement su poser les mots sur ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, merci. Eh bien, c'est très bien. On va peut-être passer au gros vent, mais avant ça, une explication de ce que c'est le vent, peut-être, non? Ou... C'est vrai que c'est une extrême bonne idée. Merci de m'avoir rappelé ça. On a reçu tout fraîchement depuis la semaine dernière une explication de ce qu'est le vent par Jérémy Chevalier. Et voilà, concentrez-vous, écoutez bien. Le vent, c'est le mouvement du gaz constituant l'atmosphère située à la surface de la planète provoqué par le réchauffement inégalement réparti à la surface de la planète provenant du rayonnement solaire et par la rotation de la planète et de ses déplacements est essentiel à tous les phénomènes météo et c'est la dynamique des fluides, la dynamique des fluides qui explique le vent, la dynamique des fluides explique le mécanisme. Bon, la dynamique des fluides explique la mécanique et les courants marins. Il existe une relation entre le vent et les courants marins expliquée par la mécanique des fluides. La dynamique des fluides classifie les vents. La dynamique des fluides classifie les vents selon leur ampleur, classifie les vents selon leur vitesse, selon leur localisation géographique, selon leur type de force qui les produit, selon leurs effets. Pour classifier les vents, on utilise un anémomètre ou une manche à air. Un anémomètre permet de mesurer la vitesse des vents. Une manche à air permet de d'estimer la vitesse du vent. On utilise l'un ou l'autre selon que l'on veut estimer ou mesurer. On ne mesure pas ce que l'on estime. L'ampleur du vent se situe dans une manche à air. Le vent oxygène, le vent oxygène, le vent océan, le vent agitation, met en mouvement les organismes. Beaucoup Jérémy pour cette explication d'une clarté sans pareille et merci de ne pas avoir respiré toi-même pendant deux minutes pour nous fournir cette explication. Maintenant, comme à son habitude, comme tous les matins sur Radiosine, le gros vent du jour qui nous vient aujourd'hui de la Nouvelle-Zélande. Voici. Et voilà, le gros vent de la Nouvelle-Zélande pour ce vendredi 19 avril. Merci Simone de nous avoir envoyé cet enregistrement. Et ensuite, tout de suite maintenant, son interprétation électronique par Loïs Castellano, a.k.a. Trophée Aban. Voici. Voilà, merci beaucoup Loïs Trophée Aban. On se retrouve demain pour un nouveau gros vent, pour nos gros vents préférés quotidiens.